إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد donc السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On va commencer donc aujourd'hui notre cours numéro 26 dans l'explication de Aqidat Ahl Sunnati wal Jama'a du Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Et donc on a terminé au dernier cours d'expliquer le verset dans Surat c'était le verset dans Surat Shura 11 et 12. On va maintenant commencer à expliquer un autre verset. C'est le verset 6 dans Surat Hud. C'est le verset suivant. Parce que dans le livre de Cheikh Mohammed ibn Uthaymeen, en ce moment, on est toujours dans la partie où il explique la Aqidah. Puis il va, comme j'avais expliqué déjà, il explique maintenant les 6 piliers de la foi. Et le premier pilier de la foi, c'est Al-Iman Billah, subhanahu wa ta'ala, la foi en Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, on est toujours en train d'expliquer la foi en Allah et qu'est-ce que ça, en quoi ça consiste. On a parlé du Tawhid de façon résumée. Et là, le Cheikh, il énumère plusieurs versets dans lesquels il y a des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et plusieurs des noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, il fait en même temps l'explication de ces versets-là. Et donc, là on est arrivé à l'explication du verset 6 dans Surat Hud, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ » Donc il dit, le Cheikh il explique, il dit « Nous croyons, nous minons, بِأَنَّهُ » وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Ce qui signifie, en français, il n'y a point d'animal sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah, qui connaît sa retraite et son refuge. مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا يعني كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Tout cela est dans un livre explicite. On va expliquer les détails maintenant de ce verset. Le Cheikh Salih al-Fawzan, c'est pas Salih al-Fawzan, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, rahimahullah, il dit قوله وما من دابة الدابة كل ما يدب على الأرض من إنسان أو غير الإنسان. Donc, le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit وما من دابة. Il n'y a pas, ils l'ont traduit dans le verset comme en disant il n'y a pas un animal. Hein? Et en réalité, le cheikh il explique que adab c'est plus général que l'animal, ou bien parfois, selon ce que certaines personnes parfois disent que l'être humain est un animal intelligent. Bon. On va pas dire ça, mais de façon générale, yani, le verset est plus large que de simplement dire un animal. On va voir s'il y a une différence dans l'autre traduction. Le verset 6, il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah, qui connaît son gîte et son dépôt. Déjà, ça c'est mieux traduit que l'autre. Puisque bête, c'est plus large que animal, c'est plus général. Et en même temps, lorsqu'il dit connaît sa retraite et son refuge, c'est pas vraiment la bonne traduction pour mustaqar. Mustaqar, c'est l'endroit où on se réfugie, mais l'endroit où on reste, où on demeure, c'est plutôt le gîte, hein, l'endroit où tu restes, ton habitat. Wa mustaudaaha, al mustaudaa, c'est l'endroit où tu vas déposer les réserves de nourriture. Al mustaudaa, c'est plus ça. Donc c'est pas vraiment le refuge dans ce cas-là, mais c'est plutôt comme ici ils ont traduit le dépôt. Hein, c'est plutôt comme le dépôt. Et donc tout ça c'est dans un livre explicite. Bon, le cheikh il explique que ad-dabba kulluma dabba kulluma yadubbu ala al-ard min insanin aw ghayr al-insan. Donc tout ce qui marche sur la terre, ça rentre dans la définition de dabba. Tout ce qui marche sur terre, que ce soit un homme ou autre chose qu'un être humain. Hein, tout ce qui marche sur terre, c'est on appelle dabba. Et il dit wa qawluhu min dabbatin min hadhihi za'idatun i'raban lakinnaha laha ma'nan 'azim wa huwa iradatu al-'umum ya'ni ay dabbatin fil ard farizquha 'ala Allah 'azza wa jalla wa huwa alladhi تكفل برزقها ولهذا تجد الحيوانات والحشرات يسوق الله لها الرزق أو يسوقها إلى الرزق فربما يكون طعم بعيد عن جحر النمل فيهتدي النمل إلى هذا الطعم لأن الله أعطاه قوة الشم حتى يصل إلى هذا الطعام ويتغذى به. Donc le cheikh il explique que ici min dabbatin wa ma min dabbatin. Le min ici il dit grammaticalement c'est un surplus, mais il a une grande signification du fait que Allah subhanahu wa ta'ala veut insister sur la généralité du mot dab, dans le sens que yani, peu importe la créature, peu importe l'être qui marche sur terre, c'est à Allah qu'incombe son risque et sa subsistance. Et c'est Allah donc qui va lui donner ce qu'il a de besoin pour vivre. Et donc il dit, c'est pour ça que tu trouves même les animaux et les insectes, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala lui amène sa subsistance. Ou bien, il l'amène ou il guide cet animal ou cet être vers sa subsistance. Et donc, peut-être que parfois tu vois que la nourriture, elle est loin du nid ou de qu'on appelle le nid de fourmis. Sa nourriture, elle est loin. Et tu vois que la fourmi, elle arrive à trouver l'endroit où se trouve cette nourriture là, parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la force un odorat fort qui lui permet de sentir à des distances très éloignées la nourriture. Et il y a des animaux comme ça, on sait que certains animaux, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné un odorat plus puissant que celui de l'être humain. Hein? Et ils sont capables à des distances de sentir des choses que nous, les êtres humains, on n'arrive pas à sentir. Et donc, c'est ainsi que ces animaux-là ou ces êtres-là sont guidés vers la nourriture dont ils ont besoin. Et ils peuvent se nourrir ainsi. Et le cheikh il dit wa ta'ammal hadhihi an-namla subhanallah tadakhiru al-hab fa tahfur al-ard juhuran wa tadakhir al-hab fi tilka al-juhur wa ta'kul taraf al-habba li'an la tanbut li'annaha law nabatat fasadat. يعني فإذا جاء المطر وصل الندى إلى الحب أخرجته من الحجر من أو من الجحر ونشرته على الأرض حتى يجف لأن لا يتعفن في داخل الجحر ويفسد فإذا جف أدخلته فمن الذي ألهمها بهذا إنه الله عز وجل. يعني ça c'est quelque chose, يعني je savais pas, يعني subhanallah. Il montre en fait comment Allah subhanahu wa ta'ala, des fois, comment il a enseigné ou inspiré à certains insectes ou à certains animaux de faire des choses qui sont étonnantes. Il dit par exemple ici, regarde, il dit observe et médite sur l'exemple de la fourmi. Subhanallah, comment elle emmagasine des choses, comme par exemple, elle va prendre une graine. Okay, une graine d'un végétal ou d'un fruit ou d'un légume ou quelque chose comme ça. Elle trouve une graine, elle la prend, elle la met dans son trou, dans son nid. Et il dit, elle la prend, cette graine, dans ce trou, puis elle mange une partie pour pas que la graine se mette à pousser à l'intérieur de son nid, puis que ça détruit tout, ou bien qu'elle devienne mauvaise elle-même, cette graine, qu'elle ne puisse plus être consommée, par exemple, elle ne peut plus la manger par la suite. Ou bien, si par exemple il pleut, puis que l'eau ou l'humidité arrive jusqu'à cette graine-là, il la prend et il la met dehors, hein, et il l'étend pour qu'elle sèche, pour pas que ça donne une mauvaise odeur à l'intérieur du nid, et puis que ça corrompt ou ça commence à sentir disons que ça devient mauvais, et ensuite quand c'est séché elle le rentre encore à l'intérieur. Qui lui a enseigné ou lui a inspiré ce genre de comportement? C'est Allah subhanahu wa ta'ala, hein? Donc tu vois des êtres comme ça, des petits animaux qui sont, hein, très petits, ils n'ont pas de un cerveau très développé comme l'être humain, mais ils sont capables de faire ces choses-là, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui leur inspire à faire ce genre de choses. Il dit ثم إن النملة من أذكى الحشرات وانظر إلى قصتها مع سليمان عليه السلام حيث قالت يا أيها النمل هذا نداء ادخلوا مساكنكم أي الملاجئ لا يحطمنكم سليمان وجنوده لأن معه الدواب من خيل وإبل وغيرها تطأ هذا النمل وتحطمه ثم اعتذرت عن سليمان وجنوده بأنهم لا يشعرون فسبحان الله العظيم. Le sheikh, il donne l'exemple ici de qu'est-ce que la fourmi a dit dans cette sourate du Coran qui porte justement le nom de cet insecte, an-naml, dans le verset 18. Le cheikh, il cite, il mentionne en même temps, il dit que la fourmi, c'est un des insectes les plus intelligents. Il dit, regardez son histoire avec Sulayman, alayhi salam. Lorsque la fourmi, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne qu'elle a dit, hein, quand ils arrivèrent à la vallée des fourmis, une fourmi dit, ô fourmis, entrez dans vos demeures de peur que Sulayman, hein, de peur que Sulayman et son armée et ses armées vous écrasent sous leurs pieds sans qu'ils s'en aperçoivent ou bien sans qu'ils s'en rendent compte. Eh bien, le cheikh, il dit, pourquoi? Parce que Sulayman, alayhi salam, il a des chevaux, il a des chevaux et des chameaux, et d'autres animaux également qui marchent donc sur les fourmis, sur les choses. Puis elle trouve l'excuse en même temps pour Sulayman et ses armées en disant sans qu'ils s'en rendent compte, parce qu'ils font pas ça intentionnellement, c'est pas leur intention de les tuer, yani. Donc c'est pour dire, yani, ça c'est une des choses qui sont étonnantes, et ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous montre en même temps l'intelligence de ces fourmis-là. Il dit, وحدثني رجل أنه كان عند بئر مطمورة أي ليس فيها ماء. فكان يرى حية تخرج كل يوم في الصباح وتنصب نفسها كأنها عود، فيقع عليها طائر فتأكله. وهذه الحية كانت عمياء لا تستطيع أن تسعى في الأرض تطلب الرزق، فكان الله تعالى يجلب لها الرزق على هذا الوجه، ويقول شاهدت ذلك مرارا حتى إنه قتل الحية فوجد أنها عمياء. Donc le cheikh il dit qu'il y a un homme qui m'a mentionné qu'il a vu près d'un puits qui était asséché, il a vu un serpent. Et ce serpent-là, yani, il le voyait sortir tous les jours le matin, puis le serpent se dressait ou bien se raidissait comme un morceau de bois. Se mettait comme une branche, comme un morceau de bois. Donc, il dit, le serpent, il venait et se dressait comme un morceau de bois. Donc, il explique que ce serpent-là, il se mettait droit comme un bâton, comme une branche. Puis, il bougeait pas, il restait immobile de cette façon. Et les oiseaux venaient se percher dessus, pensant que c'était un morceau de bois ou une branche, et le serpent les attrapait et les mangeait. Et donc, ce serpent-là, le cheikh dit que c'est un serpent qui était aveugle. En réalité, il ne voyait pas. Il ne pouvait donc pas se promener sur la terre pour chercher la subsistance. Alors, yani, il trouvait sa subsistance de cette manière-là, en faisant semblant d'être immobile, d'être un morceau de bois, puis après il attrapait les oiseaux. Et il dit la personne qui a dit ça au cheikh, elle a vu ça se reproduire plusieurs fois, puis jusqu'à ce que il dit plus tard, j'ai tué le serpent et j'ai constaté que le serpent en question était aveugle. Donc le cheikh il dit فانظر كيف ساق الله الرزق إليها وهي في جحرها وعمياء لا تستطيع الخروج إذا ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. Donc il dit, regarde comment Allah subhanahu wa ta'ala lui donne sa subsistance alors qu'elle est dans son trou. Ce serpent, il est dans son trou et aveugle en plus, même pas capable de bouger. Donc ça c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas une bête sur terre excepté que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui donne sa subsistance. J'ai regardé une fois même un reportage sur internet juste pour donner un exemple de plus de qu'est-ce que le cheikh il mentionne. Et il y a une sorte de fourmi qui vit que dans le désert. Et cette sorte de fourmi, on dirait qu'elle est comme dorée. Elle est comme une couleur, comme métallique ou dorée. Et bien cette sorte de fourmi-là, subhanallah, elle sort uniquement dehors au moment où il fait le plus chaud de la journée, c'est-à-dire vers le dhuhr. Et dans cette période-là, il n'y a pas un animal ou un insecte qui sort, qui peut sortir. Parce que s'il sort, il meurt parce qu'il fait trop chaud. Et bien, cette fourmi-là, elle sort que à ce moment-là pour aller chercher sa nourriture. Parce qu'elle se nourrit des autres insectes qui sont mortes à cause de la chaleur. Elle vient, elle les prend, puis elle les ramène dans son trou pour les manger à ce moment-là. Donc, je ne sais pas le nom de cette fourmi, mais ça, c'est un autre exemple de comment Allah subhanahu wa ta'ala, il donne à chaque créature sa subsistance. الشيخ الذي فإن قال قائل ألسنا نجد أن أناسا أو حيوانات تموت من الجوع؟ فالجواب بلى، لكن هذا ابتلاء وامتحان من الله عز وجل يمتحن به العباد، فيكون كفارة للذي مات من الجوع إذا كان مسلما، ويكون عبرة وَعِظَةً لِلْآخَرِينَ. Donc le cheikh il dit, et si quelqu'un pose la question, n'est-ce pas qu'il y a des hommes ou des animaux qui meurent de faim, hein? Donc, comment on va répondre à ça? Le cheikh il répond, il dit oui, c'est vrai, mais ça reste une épreuve dans ce cas-là, une épreuve de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et un test. Allah subhanahu wa ta'ala il met ses serviteurs à l'épreuve, et dans ce cas-là c'est une expiation pour celui qui est mort de faim. S'il est musulman, ça va être une expiation pour ses péchés. Tandis que si c'est autrement, c'est-à-dire si c'est pas le cas, si c'est pas un musulman, eh ben c'est une exhortation pour les autres. C'est une leçon pour les autres. Et le cheikh il dit wa alayhi fayakunu qatl al-mushrikin awladuhum khawfan min dhiq ar-rizq yakunu su'u dhannin billahi 'azza wa jal kama yaf'alu ba'd an-nas al-yawm يقول نظم الحمل حتى لا يكثر الأولاد يعني وبعد إذن تضيق الأرزاق فنقول له يا أخي الرزق على الله عز وجل نحن نرزقهم وإياكم أكثر من الأولاد يعني يكثر الرزق. Donc le cheikh il dit, donc tu vois qu'il y a des gens par exemple parmi les mushrikines qui tuaient leurs enfants par peur de ne pas avoir suffisamment de subsistance. Et donc, il dit le cheikh que ça, en fait, c'est à cause d'une mauvaise pensée qu'ils ont à propos d'Allah. Yani, comme tu vois certaines personnes aujourd'hui qui disent, il faut organiser les naissances. Il faut planifier les naissances pour que les gens n'aient pas trop d'enfants. Parce que s'ils ont trop d'enfants, eh bien, il n'y aura pas assez de subsistance pour tout le monde, il n'y aura pas assez de nourriture pour tout le monde. Et donc le cheikh il dit, nous devons dire à cette personne, oh mon frère, la subsistance incombe à Allah, c'est lui qui donne la subsistance. Et il le dit dans le verset 31 dans surat al-Isra, nahnu narzuquhum wa iyyakum, hein? C'est nous qui allons leur donner leur subsistance ainsi qu'à vous. C'est nous qui allons leur donner leur subsistance, ainsi qu'à vous. Et donc, faites plus d'enfants, Allah va vous donner plus de subsistance. Et il dit, وَلَقَدْ حَدَّثَنِي مَنْ أَثِقُ بِهِ رَجُلٌ يَقُولُ إِنَّهُ كَانَ قَلِيلُ ذَاتِ الْيَدِ وَكَانَ بَعْضُ النَّاسِ يُحَذِّرُ مِنَ الزَّوَاجِ يَقُولُونَ مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ رَكِبَ السَّفِينَةِ ومن ركب السفينة أوشك على الغرق فلا تتزوج تنفق على نفسك كل يوم مثلا درهما فإذا جاءت الزوجة فستنفق درهمين وإن كانت أكولة فثلاثة دراهم فيقول لا تتزوج فيقول هذا الرجل وكان قليل ذات اليد إنه تزوج يقول والله إني رأيت زيادة الرزق من حين أن تزوجت وكان سمسارا يبيع المشالح ويبيع الثياب يقول فصارت الثياب والمشالح تنهال علي أبيعها يقول فولد ابني عبد الله وهو أكبر أولاده فلما ولد والله لقد رأيت الرزق زاد يقسم لي وهو صادق وأعرفه ثقة. Donc le cheikh il dit, il y a une personne qui m'a raconté, et c'est une personne en qui j'ai confiance, je sais que c'est une personne honnête, fiable, et elle m'a raconté que elle était pauvre, cette personne, elle avait pas beaucoup d'argent, et il y a des gens qui avertissaient contre le mariage. Et il disait, celui qui se marie, il est monté dans le bateau. Et celui qui monte dans le bateau, il risque de se noyer. Alors ne te marie pas. Dépense sur toi-même. Si tu dépenses sur toi-même, par exemple, tu vas dépenser un dirham, par exemple. Mais si tu es marié, eh bien, là, il va falloir que tu dépenses deux dirhams au lieu d'un. Et si c'est une femme qui mange beaucoup, eh bien tu vas dépenser 3 dirhams. Hein? Alors il disait, ne te marie pas. Hein? Cet homme-là disait, ne te marie pas. Et il dit, lui, il était pauvre. Alors il s'est marié, finalement. Il n'a pas écouté cet homme. Il s'est marié quand même. Et il dit, je jure par Allah que j'ai vu ma subsistance augmenter lorsque je me suis marié. Et il était, disons, si on veut, un intermédiaire dans le commerce, et il vendait des vêtements. Hein, des vêtements. Et Yanni, il dit, j'ai commencé à vendre des vêtements, et après mon fils, Abdullah, est né. Et c'était le plus grand de ses fils. Et lorsqu'il est né, il dit, par Allah, je jure que j'ai vu ma subsistance augmenter encore plus. Et donc, c'est comme il m'a juré ça, et il m'a dit cette chose, et moi, je sais que c'est une personne fiable et qui ment pas, qui dit la vérité, et je le connais, c'est une personne honnête. Donc, il donne ça comme un témoignage, comme un exemple pour montrer que il faut pas avoir peur de la pauvreté. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne à chacun sa subsistance, et le fait d'avoir une épouse ou le fait d'avoir des enfants, c'est pas quelque chose qui appauvrit, bien au contraire, c'est quelque chose qui en est parfois même enrichi. Même il y a un verset dans le Coran qui dit in yakunu fuqara yughnihim Allah min fadlihi. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, je crois que c'est dans sourate An-Nisa, s'ils sont pauvres, Allah subhanahu wa ta'ala va les augmenter, va les augmenter en richesse. يغنيهم الله, Allah va les enrichir de sa grâce. Donc le cheikh il dit فلو أننا توكلنا على الله حق توكله لرزقنا كما يرزق الطير ولكن هناك سوء ظن واعتماد على الأمور المادية ثم يقول نظم الحمل أرأيت لو مات هؤلاء الأولاد الذين نظمت من أجلهم يعني بقيت بلا ولد فدع الأرحام يعني فدع الأرحام تدفع ولا عليك فالرزق على الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم وأحكم منك يقول تزوج الولود الودود. Donc le cheikh il dit, si on mettait réellement notre confiance en Allah comme on devrait mettre notre confiance en Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous donnerait notre subsistance de la même manière qu'il donne la subsistance aux oiseaux. Ça c'est un hadith même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, si on mettait notre confiance en Allah de la manière qu'on devrait le faire, il nous donnerait notre subsistance comme il donne la subsistance aux oiseaux. Et il dit après dans la suite du hadith, les oiseaux ils partent le matin, le ventre vide, et ils reviennent, le ventre plein. Hein? Donc le cheikh, il dit, mais il y a des gens qui ont une mauvaise pensée à propos d'Allah. Ils pensent du mal à propos d'Allah. Et ils ne se reposent que sur les choses matérielles. Ils ont une pensée ou une vision matérialiste de la vie. Hein? Ils pensent que c'est uniquement des questions matérielles. Ta subsistance, elle vient d'Allah. Tu penses que tu as la subsistance aujourd'hui parce que tu as des moyens, tu es riche, et Allah, s'il veut, demain, il te fait pauvre. Et aujourd'hui, tu es pauvre, et tu penses que tu n'as pas de subsistance, que tu n'as rien, et Allah, demain, s'il veut, il te rend riche. Donc, ils disent, ces gens-là, ils disent, vous devez organiser les naissances, vous devez faire la planification des naissances et tout ça. Le cheikh, il dit, supposons qu'on se basait sur qu'est-ce que ces gens-là ont dit, puis qu'on disait, ok, il faut organiser les naissances. On ne va pas faire plus que un ou deux enfants par famille, et ainsi de suite. Il dit, qu'est-ce qui arrive si ces enfants-là, qui ont été organisés, dont on a organisé les naissances, imagine qu'ils meurent. Qu'est-ce qui arrive là par la suite? Il n'y a plus d'enfants après. Hein? S'il y a un accident quelconque ou quoi, une catastrophe, alors il n'y a plus d'enfants, qu'est-ce qui va arriver? Alors il dit, laisse les enfants naître tels qu'ils viennent. Hein? Et yani, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui va s'en occuper. Et il va leur donner leur subsistance. Et sache que Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus sage que toi. Et donc, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est plus sage que toi. Donc, il a dit, épousez les femmes affectueuses et fécondes. Épousez les femmes affectueuses et fécondes. C'est rapporté par Abu Dawood et c'est rapporté également par Al-Nasa'i et par l'imam Ahmad selon Anas radiyallahu anhu. Et ça, c'est donc un hadith qui incite les hommes à épouser des femmes qui sont affectueuses et qui sont des femmes qui sont fécondes, c'est-à-dire qui sont capables d'avoir beaucoup d'enfants et qui aiment avoir des enfants. C'est pas comme les filles d'aujourd'hui, hein, qui disent non, moi je veux pas me marier, non, je veux pas avoir d'enfants, je veux être libre, moi qu'est-ce qui compte pour moi c'est ma carrière, je veux être indépendante, je veux pas dépendre d'un homme, je veux pas dépendre de ci, de ça. Finalement, à 40 ans, elles commencent à regretter. À 40 ans, elles ont eu leur carrière, elles ont eu leur diplôme, elles ont eu leur travail, elles ont leur maison, elles ont tout, mais elles n'ont pas de mari, elles n'ont pas d'enfant. Et là, elles pleurent et elles voudraient se marier. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait me prendre, qui voudrait me marier, qui voudrait m'épouser? Il n'y a personne. Il n'y a personne qui veut les épouser. Ou bien il y a des hommes qui veulent les épouser, mais ce n'est pas les hommes qu'elles veulent. Hein? C'est pas le prince charmant dont elle rêvait. C'est des hommes qui sont peut-être un peu plus âgés que elle, ou qui sont pas nécessairement de son goût à elle. Hein? Tandis que lorsqu'elle était jeune et qu'elle avait l'embarras du choix des prétendants, elle était occupée à courir après sa carrière et sa dunya. Et elle finit sa vie comme une vieille fille. Pas d'enfant, pas de mari, rien. Hein? Et auparavant, elle regardait les femmes mariées avec des enfants avec dénigrement, puis peut-être même elle se pensait supérieure à elle. Et là, maintenant, elle regrette. Et il y a plein d'exemples comme ça que j'ai entendus. Donc, ça veut dire, les femmes musulmanes, elles doivent comprendre l'importance de fonder des familles et d'avoir des enfants et de se marier et de prendre leur rôle d'épouse et de mère au sérieux, parce que c'est quelque chose de noble. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. C'est quelque chose de noble, c'est quelque chose de grand, de mettre au monde la prochaine génération et de s'en occuper et de les éduquer correctement. Ça, c'est très très important. Le cheikh il dit ensuite, wal umma idha kathurat wa istaghnat an ghayriha wa infataha laha abwab min al-'amal fi dakhil al-bilad wa kharij al-bilad ara'aytum as-sin min hayth al-quwwa fi as-sina'ati laysat ila dhak wa la tusawi ad-dawl al-ukhra lakin likathratiha صار لها هيبة وصارت تعد من كبار الأمم وصارت أمة تنتشر يمينا وشمالا تنفع وتنفع لكن بعض الناس مع الأسف قوم ماديون ومع الأسف الأسف الأسف إنهم مسلمون وكأنهم لا يقرؤون هذه الآية وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. Donc le cheikh il dit, yani une C'est ça. Si la nation, elle augmente, elle devient riche. Hein? Elle devient plus riche et elle arrive à se suffire elle-même et à ne plus avoir besoin des autres. Et c'est le contraire qui se passe en fait, elle s'ouvre sur les autres, ou bien plutôt les autres qui ont besoin d'elle par la suite. Elle ouvre ses portes, hein, pour aller travailler à l'extérieur et pour aider les autres, même pour travailler chez les autres. Il dit, regardez l'exemple de la Chine, c'est devenu une puissance mondiale, économique. Hein? Et il n'y a pas d'autres pays qui sont égaux à la Chine dans la production, dans le travail, dans l'industrie, toutes ces choses-là. Hein? Ils sont respectés parmi les grandes nations et ils exportent leurs produits à gauche et à droite, partout. Et il profite aux gens. Il dit, mais il y a des gens, malheureusement, qui sont très matérialistes. Hein? Et juste en passant, par exemple, qu'est-ce que le cheikh, il dit à propos de la Chine? Eh ben, les Chinois, maintenant, ils se mordent les doigts. Hein? À cause de qu'est-ce qu'ils ont établi comme politique il n'y a pas longtemps, du fait qu'ils ont limité les naissances à un enfant par famille. Et qu'est-ce qui a été le résultat de cette politique, de cette loi? C'est que quand ils avaient des filles, ils les envoyaient dans les orphelinats. Quand c'était des garçons, ils les gardaient pour travailler parce qu'ils disaient, bon, le garçon, il peut nous aider, il peut aider la famille. La fille, non. Le résultat, maintenant, il n'y a plus assez de filles pour le nombre de garçons. Alors, les jeunes, ils veulent se marier, ils ne trouvent pas de femmes. Hein? Le résultat, ça c'est le résultat de quoi? De vouloir essayer de planifier des choses d'une manière qui contredit ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Et donc aujourd'hui maintenant ils sont malheureux. Hein? Et tu les vois maintenant, ils font tout pour essayer de trouver une femme. Il y a peut-être une, pour chaque 10 garçons, il y a une fille. Hein? Donc c'est une catastrophe. C'est une grande catastrophe là-bas. Allah musta'an. Et donc, tout ça, c'est un exemple de ça. Peut-être que à cause de ça, c'est ça qui va être la cause même de la faillite même de cette nation-là ou de ce pays-là. Il dit, le cheikh, que malheureusement, on voit que beaucoup de musulmans, ils sont matérialistes. Et c'est triste de voir que parfois, ce sont des musulmans. Et c'est comme s'ils n'avaient pas lu le verset qu'on est en train d'expliquer maintenant. Hein, il n'y a pas un être qui marche sur terre excepté que c'est Allah qui incombe sa subsistance. Hein? C'est Allah qui lui donne sa subsistance. Donc le cheikh dit, فَإِذَا قَالَ قَائِلُهُمْ أَنَا أَشْعُرُ بِأَنِّي إِذَا أَنْجَبْتُ عَشْرَةَ أَوْلَادٍ وَجَاءَ الْحَادِ عَشَرْ تَطَلَّبْتُ زِيَادَةَ رِيَالٍ فَنَقُولُ يَا أَخِي تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَقَدْ يُبَارِكَ اللَّهُ بِالْعَشْرَةِ فتكفي 20 أو يأتي رزق آخر لكن ضعف التوكل على الله هو الذي أوجب لنا أن نتصور هذا التصور الفاسد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. Donc le cheikh il dit, et s'il y en a un qui dit par exemple, moi je sens que si j'ai 10 enfants puis qu'il y a un 11e qui arrive, eh bien ça va m'exiger un rial supplémentaire. Et le cheikh il dit, nous disons à cette personne, mon frère, mets ta confiance en Allah et peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte que ton argent va être béni et que ce qui t'était suffisant pour les 10 sera également suffisant pour les 11. Ou bien Allah va te donner plus de subsistance, mais à cause de la faiblesse de notre confiance, qu'on met pas suffisamment notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien c'est ce qui fait que on a cette mauvaise conception, cette mauvaise idée, hein, cette idée qui est corrompue d'avoir peur de manquer. Ok? Moi, je peux dire que, par exemple, il y a des gens que je connais qui ont des très grandes familles, plus d'enfants, et puis, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala leur a augmenté leur risque plus ils ont eu d'enfants. Plus ils ont eu d'enfants, plus qu'ils deviennent de plus en plus riches. C'est des choses que j'ai vues avec mes yeux, des gens que je connais, même dans ma propre famille. Donc, subhanallah, le fait de dire j'ai peur d'avoir plusieurs enfants, ça c'est la mentalité des koufars. C'est pas la mentalité des musulmans. Même tu vois par exemple des koufars qui disent: ah, moi je préfère avoir un chien parce que le chien ça coûte moins cher. C'est vrai, j'ai entendu ça, c'est moins cher qu'un enfant. Et comment ils se basent là pour dire ça, hein? J'en ai même dans des proches de moi qui sont pas musulmans dans ma famille, et puis c'est ça leur mentalité, yani. Ils disent non, il faut pas avoir beaucoup d'enfants parce que il faut, comment tu vas faire pour faire le payer l'école, payer ci, payer les vêtements, payer ça, ça coûte cher, tu peux pas, hein, parce que sinon tu vas pas pouvoir leur donner le niveau de d'éducation, puis le niveau de ci, le niveau de vie, hein, que tu voudrais. Donc, et pourtant, Allah al-Musta'an, c'est souvent le contraire. Plus que tu as de la subsistance, plus que Allah t'aide et te donne plus. Et il dit, c'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si vous mettiez votre confiance en Allah comme il faut, Allah vous donnerait votre subsistance de la même manière qu'il donne la subsistance aux oiseaux. L'oiseau part le matin, le ventre vide, et il revient le ventre plein. Hein? On se casse pas la tête. Hein? On se casse pas la tête. Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, beaucoup plus jeune, avant même que je connaisse l'islam, on n'était pas riches à la maison, mais c'est pour dire, des fois, on se levait le matin, on regardait dans le réfrigérateur, il n'y avait rien à manger. Et quand on sortait dehors, on allait jouer avec les amis. Et puis, on trouvait par exemple, je sais pas moi, on trouvait une bouteille de quelque chose par terre. On allait l'amener au dépanneur, bouteille consignée. On avait 25 sous. On achetait avec ça un chips, un chocolat, puis on mangeait ça. Hein? On avait trouvé un peu de risque comme ça pour la journée. C'était pas beaucoup, mais c'est pour dire, yani, subhanallah, ça nous remplissait un peu notre ventre quand on avait faim. Des choses comme ça, yani. Donc, c'est pour dire, ton risque, tu sais pas où il vient. Une fois, je me rappelle qu'on était petit, on marchait comme ça, on trouvait des billets, un billet de 5 dollars par terre. On allait au magasin du coin, on achetait des petits trucs, on mangeait ça. Hein? Ton risque, c'est Allah qui l'a écrit. Et c'est ce qu'il a écrit, il peut pas t'échapper. Et ce qui n'est pas écrit pour toi, peu importe qu'est-ce que tu fais, tu vas pas l'avoir. Hein? Et le cheikh, il dit donc: فَتَغْدُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ خِمَاصًا جَائِعَةً لَيْسَ فِي بَطْنِهَا شَيْءٌ وَتَرُوحُ فِي آخِرِ النَّهَارِ بِطَانًا مُمْتَلِئَةً الْبُطُونِ فَهَلْ هِيَ ذَهَبَتْ إِلَى رِزْقٍ مُعَيَّنٍ تَعْرِفُهُ قد يكون وقد لا يكون، فقد يكون مثلا هناك ثمار معينة تقصدها كل يوم، وقد لا يكون، ولكن المهم أنها لا ترجع إلى مملوءة البطون إلا مملوءة البطون، لأنها خرجت معتمدة على ربها عز وجل. Donc le cheikh, il dit donc, elle part le matin, au début du matin, l'oiseau part le matin, le ventre vide, elle a faim. Il n'y a rien dans son ventre. Et elle revient à la fin de la journée, son ventre est plein. Est-ce qu'elle est partie vers une subsistance spécifique qu'elle connaissait déjà? Ou bien est-ce qu'elle n'avait rien en vue? Elle est sortie, puis en cherchant, elle a trouvé quelque chose. Il dit peut-être que c'est ça, peut-être que c'est l'autre, on ne sait pas. Mais l'important, c'est quoi? C'est qu'elle revient, elle ne revient pas sans avoir le ventre plein. Pourquoi? Parce qu'elle est sortie de chez elle en ayant mis sa confiance en son Seigneur. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné sa subsistance. Hein? Subhanallah. Donc, il y a plein d'exemples comme ça. Même des exemples, moi je me rappelle de même moi-même des choses qui me sont arrivées. Je peux dire ça là, c'est tellement terrible. Tu sors de chez toi, t'as pas mangé, t'as faim, tu sais même pas qu'est-ce que tu vas manger. Et puis, t'arrives quelque part, puis on t'offre la nourriture comme ça. Hein? T'avais même pas calculé ça. Donc, ton risque là, c'est Allah qui l'a préparé pour toi. فإن قال قائل بعض الناس عندما تكلم في مسألة تحديد النسل يقول يعني لا نقصد أن نشك في الرزق ولكن من أجل التربية وما أشبه ذلك ويستدلون بما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يعزلون والقرآن ينزل فما الجواب عن ذلك؟ الجواب هذا أيضا غلط وسوء ظن بالله فكم من إنسان يتم ليس عنده أب صار من أحسن الناس عبادة وخلقا وكم من إنسان عنده أبوه وأمه ولم يتربى فهذا الإيراد ليس بصحيح أبدا. وأما الصحابة رضي الله عنهم فإنهم يعزلون ليس لتقليل الأولاد ولكن لغرض آخر منها مثلا إذا كانت أمة فإن الإنسان لا يحب أن تلد أمته فتكون أم ولد والعزل لغير التحديد أو كما يقولون التنظيم لا يرى فيه بأسا لكن التحديد لا شك أنه غلط عظيم والعزل لغير التحديد والتحديد معناه أن لا يزيد على خمسة مثلا والتنظيم أهون لأن التنظيم معناه أن لا تحمل المرأة دامت يعني ما دامت تردع وهذا أهون ولا أكاد أجزم بتحريمه ولكن التحديد الأمر فيه ليس بيدي سبحان الله فيمكن أني حددت خمسة فيأتيهم حادث فيموتون جميعا. Donc le cheikh il dit, y a des gens qui parlent de cette question, de la limite des naissances. Et ils disent, c'est pas seulement par rapport à la subsistance. Il dit, on n'a pas un doute à propos de la subsistance, mais la raison pour laquelle on appelle à limiter les naissances, c'est surtout pour l'éducation, et des choses comme ça. Il dit, quand tu as beaucoup d'enfants, tu peux pas les éduquer aussi bien que quand tu en as juste un, soi-disant, ou deux. Quand tu en as deux, là, tu peux vraiment prendre ton temps pour bien les éduquer. Si tu en as beaucoup, là, après, tu ne peux pas les éduquer bien. Et le cheikh, il dit, il se base là-dessus pour dire ça. Puis, ils disent que, par exemple, à l'époque des Sahaba, ils utilisaient al-azl. Qu'est-ce qu'ils appellent al-azl? Vous ne connaissez peut-être pas al-azl en arabe. En français, c'est qu'est-ce qu'ils appellent le quatus interruptus, c'est-à-dire ils se retirent avant l'éjaculation pour pas que la femme soit enceinte. Donc les sahaba parfois ils faisaient ça, certains sahaba parfois ils faisaient ça, alors que le Coran était révélé. Il y a un hadith comme ça qui dit kunna na'zil wal Quran yanzil. Donc ça c'est un hadith. Donc, ils disent, donc, n'est-ce pas que ça, c'est un argument? Et le cheikh, il répond à ça, il dit, non, ça aussi, c'est une erreur. Et c'est de penser du mal à propos d'Allah. Il dit, combien d'enfants qui n'avaient pas de père, qui n'a pas grandi avec son père, et il est devenu parmi les meilleurs adorateurs, les meilleurs dans son comportement. Et pourtant, son père n'était pas là. Il dit, mais combien de personnes aussi, qui avait un père et une mère et qui n'a pas été bien éduqué. Donc il dit de mentionner cet exemple là, c'est pas correct, c'est pas vrai. Il dit tandis que les sahaba ils faisaient l'azl, c'était pas pour avoir moins d'enfants. Et c'était pour une autre intention ou un autre objectif. Peut-être, par exemple, parce que c'était une esclave, hein, avec qui ils étaient, puis ils ne voulaient pas que leur enfant naisse d'une esclave, pour que l'enfant soit, par exemple, né d'une esclave. Donc, ils ne préféraient pas avoir d'enfant avec leur esclave. Ça, c'est un exemple, mais ça peut être une autre explication aussi. Et il dit, le azl, hein, le azl, c'est autre chose que le fait de limiter les naissances. C'est pas la même chose. Et donc, c'est pas la même chose que l'organisation des naissances. Limiter les naissances, c'est pas la même chose que organiser les naissances. Et donc, l'organisation des naissances, je peux presque dire que c'est pas grave. C'est pas quelque chose qui a un problème là-dedans. Mais le problème, c'est de dire qu'il faut limiter les naissances. Ça, c'est une grave erreur. Il dit, la limite des naissances, c'est quoi? C'est quand tu dis on ne doit pas faire plus que 5, par exemple. Tandis que l'organisation, ça c'est moins grave. Pourquoi? Parce que l'organisation, ça veut dire, bon, la femme, elle a accouché, puis elle décide que pendant qu'elle allait son enfant, elle ne veut pas avoir un autre. Elle va attendre jusqu'à ce qu'elle termine l'allaitement. Et l'allaitement, en général, c'est 2 ans. Donc elle attend d'avoir terminé l'allaitement de l'enfant. Après, elle commence à penser avoir un autre. Et c'est pour alléger la charge sur la mère. D'accord? Donc ça, c'est l'organisation. C'est pas la même chose que la limite des naissances. Pourquoi? Parce que la limite, ça, c'est quelque chose qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui décide. Il dit, subhanallah, il dit, le cheikh, il dit ici, tu dis, moi, je veux 5. Hein? Puis il y a un autre qui a un accident qui arrive, puis que tous les enfants que tu as eus, ils meurent. Hein? Tu vas dire quoi? Je ne veux pas avoir un 6e? Hein? Ça arrive des choses comme ça. Et la même chose pour un enfant même, comme le cheikh il dit, des fois, il y a des histoires comme ça qui sont arrivées, que le père et la mère, ils sont en voiture avec leurs enfants. Et ils ont un accident. Le père et la mère, ils meurent dans l'accident. Le bébé, il est encore en vie. Le bébé est dans son siège en arrière. Les policiers, les ambulances, ils arrivent. Ils trouvent le père et la mère morts et le bébé en arrière qui est vivant. Qui va s'occuper de son éducation? Hein? Est-ce que ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala va abandonner cet enfant-là? Non. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui va s'en occuper. Et comme le cheikh il a dit, il y a des enfants comme ça, ils sont nés sans parents pour les élever, mais ils sont sortis parmi les plus grands serviteurs d'Allah et les meilleurs. Tandis qu'il y en a d'autres, père et mère sont présents et ils ont l'argent, ils s'occupent bien de leurs enfants, ils leur donnent une éducation, ils les envoient dans les meilleures écoles. Ils deviennent des gens qui sont parmi les plus mauvaises créatures, les plus mauvaises personnes. Hein? Donc, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Allah musta'an. Et puis le succès aussi, les questions, les gens, comment ils déterminent la valeur des êtres humains, comment ils déterminent le succès d'un être humain, qui est-ce qui a réussi sa vie, qui est-ce qui ne l'a pas réussi. C'est toujours basé sur des critères matérialistes que les koufars ont établis. Et c'est pas les mêmes critères qui sont ceux de Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection. Comment il va juger le succès d'une personne ou yani l'échec d'une personne dans sa vie? Ce sera pas la même chose que les êtres humains dans la vie d'ici-bas. Et donc c'est le plus important, c'est le jugement d'Allah, c'est pas le jugement des êtres humains. Et le cheikh il dit ensuite, وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا, il explique la suite du verset, وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Et il connaît son gîte et son dépôt. Tout cela est dans un livre clair. Hein? Le cheikh il explique, il dit, قَوْلُهُ يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا الْمُسْتَقَرُ هُوَ مَا تستقر فيه على الدوام والمستودع ما تكون فيه كالوديعة متى شاء ربها أخذها فالله عز وجل يعلم مستقر كل دابة ومستودعها فالمستقر المطلق هو الآخرة كما قال تعالى وإن الدار الآخرة لا هي دار القرار والمستودع المطلق هو الدنيا إلى أن تقوم الساعة كل هذا مستودع فالإنسان فيه وديعة متى شاء المودع أخذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ما أخذ وله ما أعطى إذن الله تعالى يعلم حال العباد في الدنيا وحال العباد في الآخرة يعلم أن منا من يعمل صالحا وأن مآله إلى الجنة وأن من الناس من يعمل عملا سيئا وأن مآله إلى النار فهناك استيداع مقيد واستقرار مقيد فالإنسان في وطنه مستقر ولكن إذا سافر فهو مستودع ولكن هذا الاستقرار والاستيداع مقيد والمهم أن الله تعالى يعلم المستقر المطلق والمستودع المطلق والمستقر المقيد والمستودع المقيد. Donc le cheikh il explique que le terme mustaqar c'est l'endroit où tu restes de façon permanente et al-mustawda c'est l'endroit qui est temporaire dans lequel tu restes temporairement où tu mets les yani comme on a dit tout à l'heure on a dit ça peut être le dépôt aussi et le cheikh a dit aussi ça peut être l'endroit que tu loue ou dans lequel tu restes d'une manière temporaire juste en attendant pour d'aller quelque part ailleurs. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il connaît pour chaque animal, pour chaque être qui marche sur terre son lieu dans lequel il réside de façon permanente et l'endroit où il reste de façon temporaire. Et le cheikh il explique que l'endroit où tu restes de façon permanente il y a l'endroit, le gîte ou l'endroit où tu es qui est dans le sens absolu dans lequel tu vas rester pour l'éternité, c'est l'au-delà. Parce que dans l'au-delà, c'est permanent, pour toujours. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset, وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ دَارُ الْقَرَارِ L'au-delà, c'est la demeure de يعني, la, qui est permanente, qui est fixe. Tu ne vas pas bouger de là. Tu vas rester pour l'éternité dans l'au-delà. Et al-mustawda' al-mutlaq, l'endroit qui est absolument temporaire, c'est la vie d'ici-bas, jusqu'à l'heure du jugement dernier. Jazakallahu khairan, barakallahu fik. Il dit le cheikh ensuite, il dit, donc l'être humain, hein, l'être humain, il est dans cette vie d'ici-bas pour un temps seulement, hein. Et il est là jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala le reprenne. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le hadith, ou plutôt le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans le hadith, Lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta. C'est-à-dire, à Allah appartient ce qu'il a donné, à Allah appartient ce qu'il prend et ce qu'il a donné. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît l'état de l'être humain, il connaît l'état du serviteur dans cette vie d'ici-bas et l'état du serviteur dans l'au-delà, et il sait ce que l'être humain, il sait ce que chacun de nous fait comme bonne action qui sera une des causes pour que sa destination soit le paradis. Et il y en a parmi les hommes qui font des mauvaises actions et dont la destination sera l'enfer. Et il y a donc un endroit temporaire qui est restreint et un endroit qui est permanent, qui est restreint ou spécifique, tandis qu'il y a, un endroit dans lequel l'être humain va rester de façon permanente, comme par exemple un être humain quand il est chez lui dans son pays, il est chez lui, c'est-à-dire c'est son endroit fixe, il ne bouge pas. Toutefois, des fois il voyage, et là quand il voyage, il va aller à l'hôtel, il va aller dans un endroit où il va rester temporairement, puis il va aller ailleurs par la suite. Tandis que yani, ça c'est qu'est-ce qu'on appelle al-istiqrar ou al-istida' al-muqayyad, ça c'est limité, c'est spécifique, c'est restreint. Et il y a qu'est-ce qui est mutlaq, c'est-à-dire dans l'au-delà, c'est éternel. Donc c'est ça que le cheikh explique. Et il dit ensuite kullun fi kitabin mubin, il explique la suite, il dit wa qawluhu ta'ala kullun fi kitabin mubin, kullun ay min ar-rizq wa al-mustaqar wa al-mustawda' fi kitabin mubin, ay fi maktubin bayyin zahir, wa dhalika huwa al-lawh al-mahfuz alladhi tatafarra'u 'anhu baqiyatu al-kitabat, fa innal malak إذا بلغ الجنين أربعة أشهر بعث إليه فأمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit tout ça c'est écrit dans un livre clair, c'est-à-dire tout, hein, le rizq, le gîte et le dépôt et tout ça c'est écrit dans un livre clair. C'est-à-dire, tout ça c'est écrit d'une manière qui est claire dans la table préservée qui est auprès d'Allah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a écrit la destinée de toutes les créatures jusqu'au jour de la résurrection. Et de là découle, de ce livre, de cette table préservée, découlent toutes les autres écritures qui sont reliées à la destinée de l'homme. Et donc, lorsque l'ange vient, hein, lorsque le fœtus dans le ventre de la mère atteint 4 mois, l'ange descend pour lui insouffler son âme et il écrit en même temps, selon ce qui est écrit dans la table préservée, que Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de venir vers le fœtus pour écrire sur lui son terme, hein, sa subsistance et son action. Est-ce qu'il sera heureux ou malheureux? Tout ça c'est écrit sur toi à ta naissance. Subhanallah. Ou bien plutôt même pas à ta naissance, avant même que tu sois né, c'est-à-dire dans le ventre de ta mère. Après 4 mois, ça c'est écrit. Le cheikh il dit, donc il dit, ça c'est l'explication donc de ce verset là. On va donc s'arrêter ici pour aujourd'hui, parce que le cheikh il a terminé donc ce verset et il explique l'autre verset qui suit. On va le laisser pour la semaine prochaine inshallah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maintenant,